لمن تتيتهض بواسطة بادي السطائف. Maman, pourquoi on doit toujours dire Bismillah? Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Avant de lire, avant d'écrire.